comprendre la Chine par son histoire. Bonjour et bienvenue à cette 17e émission de Prendre la Chine par son histoire. Carl Derry au microphone, il me fait extrêmement plaisir de vous accueillir à nouveau cette semaine. Alors qu'aujourd'hui, on va essayer de redescendre un peu sur Terre. Au cours des dernières semaines, on a parlé de l'esprit de la fête pour célébrer la fin de la session. Et on a parlé aussi d'amour pour souligner et mettre en valeur encore plus longtemps cet esprit de la fête. Mais tout ça risque de ne pas mener à grand-chose si on est incapable d'y ajouter une petite réflexion sur la solitude. C'est quoi au juste la solitude? C'est tout ce qui vient avant et après la fête. C'est bien beau l'esprit de la fête, mais combien de personnes se sont perdues en chemin, sur les routes de l'ivresse partagée? Combien de personnes se sont perdues juste à tenter de reproduire l'esprit de la fête au quotidien, parce qu'il ou elle ne voulait pas entendre le bruit silencieux de leur propre solitude? Non seulement la solitude, la bulle que certains appellent, est ce qui donne un sens à l'esprit de la fête, mais c'est surtout un muscle qui nous permet de cheminer longtemps dans toutes les choses qu'on entreprend. Que ce soit dans l'étude, que ce soit pour l'apprentissage d'une nouvelle technique de tissage, une nouvelle chanson, un nouvel outil qu'on doit maîtriser, un nouvel instrument, un nouveau projet de vie ou un projet de recherche dans lequel on se lance, un livre ou même encore un cours sur l'histoire de la Chine à la radio. Rien de tout ça ne serait possible d'imaginer si on était incapable de prendre du recul face aux autres et de prendre un peu la mesure de notre propre solitude. Alors, avant que le goût de la fête ne tourne au vinaigre ou que les lendemains de veille ne nous montent un peu trop à la tête, on se tourne tout de suite aujourd'hui vers la solitude, celle qui accompagne de ses ombres tous nos jours de fête. On présente souvent la solitude comme étant quelque chose de dramatique, de triste ou de tragique, quelque chose qu'il faudrait absolument éliminer de nos vies. Mais je dirais au contraire que la solitude est créatrice. C'est un muscle qui requiert de l'entretien. La solitude, c'est le petit quelque chose qu'il nous faut apprivoiser si on veut être en mesure de donner un sens à nos vies. D'ailleurs, on a parlé la semaine dernière du perfectionnement de soi des néo-confucéens, à l'époque de la dynastie Song. Et sans reprendre ici tout ce qu'on a dit à ce sujet, rappelons tout de même la base essentielle voulant que, avant d'être en mesure de corriger les autres, on doit d'abord être capable de se corriger soi-même. Avant de faire le ménage dans son pays, on doit faire le ménage de sa propre maison. Mais si on ne fait pas d'abord le ménage de son cœur et qu'on est capable d'avoir les idées claires, si on est incapable d'avoir les idées claires et d'employer les mots justes pour nommer les choses, on risque de faire le ménage tout croche, de jeter les mauvaises personnes en dehors de sa maison et on risque de continuer à vivre dans un pays avec des gens qui avancent à reculons. Même si elle nous apparaît parfois moins lumineuse qu'un refrain ensoleillé, ou plus froide que la glace qui nous mord la plante des pieds, aucun perfectionnement de soi n'est envisageable sans une rencontre au sommet avec la solitude. Et comme on parle de solitude depuis le début de cette rencontre, on va à nouveau laisser de côté l'actualité, là où elle se trouve pour cette semaine. Et on va tout de suite se tourner en musique. Et pour la première chanson de la journée, je suis vraiment très content aujourd'hui puisque c'est une chanson que j'avais très hâte de faire jouer à l'antenne de cette émission. C'est une chanson qui est interprétée par l'une de mes chanteuses préférées, une chanteuse qu'on a déjà entendue il y a de cela quelques semaines, alors qu'elle nous racontait l'histoire d'une pomme qui rêvait d'être une orange. J'ai attendu longtemps avant de faire jouer cette pièce musicale parce que nous étions encore en automne jusqu'à la semaine dernière et que le titre de la chanson est « Tongtian de Chou », soit « un arbre d'hiver ». Et comme nous sommes maintenant officiellement l'hiver, depuis le 21 décembre dernier, la chanson devient tout à fait pertinente. C'est quoi un arbre d'hiver? C'est un arbre qui se retrouve seul face à lui-même. Et l'image est encore plus saisissante quand on voit tous ces arbres partout autour de nous qui se sont laissés dénuder par les dernières clameurs de l'automne et qui se retrouvent maintenant fermés sur eux-mêmes pendant toute la durée de la saison hivernale. Imaginez quelqu'un qu'on abandonnerait pendant tout l'hiver, quelqu'un qu'on laisserait à son propre sort, face à lui-même, pendant toute la saison froide, seul, recroquevillé sur la mémoire de lui-même au milieu de nulle part. Je t'attends depuis tellement longtemps que je me suis transformé en arbre d'hiver. C'est ainsi que la chanson nous frappe, très tôt. Et tout au long de la pièce, on alterne entre les « Je pense à toi, tu me manques » « Wadzai xiang ni » et les « Je t'attends » « Wadzai tong ni ». Puis la pièce se termine en le répétant à plusieurs reprises « Woshi yige tong tian de shu, wadzai xiang ni » « Woshi yige tong tian de shu, wadzai tong ni » Ce qui signifie « Je suis comme un arbre d'hiver, je suis là puis tu me manques. » Je suis là, je suis comme un arbre d'hiver, je suis là, puis je t'attends. C'est donc avec cette chanson de Wu Hongfei qu'on se replonge dans la solitude hivernale avec une artiste de l'ethnie Tongba, originaire de la province du Guangxi, dans le sud de la Chine. Elle est accompagnée par son groupe emblématique, le groupe Xingfu Tadie. On parle beaucoup de fêtes, de réjouissance et de rassemblement à cette époque de l'année. Mais aujourd'hui, on met en valeur la solitude pour toutes celles et ceux qui la ressentent profondément, que ce soit ceux qui campent dehors, dans la rue ou même ailleurs, dans le confort d'un chez-soi, pour celles et ceux qui reconnaissent leur solitude dans le miroir d'un arbre d'hiver. Voici donc « Tongtian de Chou », interprété par Wu Hongfei et le groupe Xingfu Tadie. 是一颗冬天。 Nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire et nous sommes prêts à poursuivre avec notre récit sur l'histoire de la Chine à dos de tortue. Nous avons débuté la semaine dernière le 7e chapitre, un chapitre intitulé « Entre la mer et le continent ». Et nous poursuivons tout de suite avec le 2e point intitulé « Les empires semi-nomades et la fin des Songs ». Nous avons évoqué lors du chapitre précédent le paradoxe de la vitalité des Songs sur le plan du développement culturel et économique, qui était cependant combiné à une fragilité sur le plan militaire, en particulier le long de ce que nous avons vu comme la frontière chinoise de l'Asie intérieure. En fait, dès la fondation de la dynastie, à la fin du 10e siècle, les Song se retrouvent rapidement entourés, pour ne pas dire encerclés de leurs frontières. C'est l'époque où, comme le soulignait l'œuvre classique de Maurice Rossaby, la Chine se retrouvait « among equals », ou encore, reprenant les termes de Christian Lamoureux, la Chine, l'époque où la Chine était seulement un empire parmi les autres. Signe de cet encerclement des frontières, on retrouve tout d'abord la dynastie Liao, qui s'établit en 946 et qui est présente au nord-est de la Chine jusqu'à 1125. Dans le sud, les Vietnamiens résistent énergiquement aux avancées des Song vers le sud et ils fondent le royaume du Dai Viet en l'an 1009. Plus à l'ouest, le royaume du Tibet est solidement établi, de même que le royaume de Tali, au sud-ouest. Et finalement, dans le nord-ouest, l'empire Xia, qui règne entre 1038 et 1227, contraint les Song à signer avec lui un traité de paix en l'an 1044. Les Khitan, qui ont fondé la dynastie Liao en 946, vont avoir de nombreux affrontements et des disputes frontalières avec les Song à partir de l'an 979. Des affrontements qui aboutissent à la ratification d'un traité de paix entre les deux dynasties, le traité de Shan Yuan en 1004. Le traité diplomatique était nettement à l'avantage de la dynastie Liao, alors que les Song étaient obligés de donner un tribut annuel de 200 000 ballots de soierie, ainsi que 100 000 taels d'argent. Et le traité de paix fut à nouveau réitéré en 1074-75. En un peu moins de deux siècles d'existence, la dynastie Liao a eu le temps de mettre en place une administration duelle entre les régions plus au nord de son territoire et les régions plus au sud qui bordaient les frontières de la dynastie Song. Alors que dans les régions plus au nord, on misait davantage sur l'aspect nomade des populations, les Liao ont mis sur pied, dans les régions plus au sud, une administration civile reposant sur un système d'examen qui était comparable à celui qui était en vigueur dans la Chine des Song. Dans la même veine, les Liao ont aussi développé un système d'écriture, en s'inspirant fortement de l'écriture chinoise. L'empire dirigé par les Khitan fut par contre rapidement renversé par une population de l'ethnie Jurken. Les Jurken, qui sont originaires de la région que nous appelons la Mandchourie, sont un peuple semi-nomade, vivant autant de la steppe que de l'agriculture, et ils ont lancé leur première campagne militaire en 1115, menée par leur chef Aguda. Les Jurken ont renversé la dynastie Liao des Khitan en 1125, et ils ont dès lors fondé une nouvelle dynastie appelée la dynastie Qin. Au départ, la dynastie Song avait appuyé les Jurken dans leur lutte contre les Khitan. Mais après avoir renversé la dynastie Liao, les Jurken décident de ne pas s'arrêter là et ils choisissent de continuer à descendre plus au sud encore que ce que leurs prédécesseurs n'avaient fait et ils franchissent le fleuve jaune afin de s'emparer de la ville de Kaifeng. C'est cette avancée militaire des Jurchens qui avait forcé les Song à retraiter vers le sud en 1126-1127 et à déménager leur capitale à Hangzhou, tout près de l'estuaire du fleuve Yangtze, comme nous l'avons vu au chapitre précédent. Dans la continuité de ce que les Liao avaient fait avant eux, la dynastie Qin force les Song à signer un traité de paix, qui comprenait un tribut faramineux que les Song devaient à nouveau verser, mais cette fois aux Jurchens, incluant encore une fois de l'argent et d'importantes quantités de soieries. Les Qin vont poursuivre la politique de l'administration duelle initiée par les Liao en s'appuyant sur quatre différentes capitales. Se trouvant dans un rapport de force minoritaire, soit environ 4 millions de Jurchens, pour contrôler une population chinoise autour de 50 millions, la dynastie Qin fut confrontée à une tension fondamentale entre sa structure clanique d'origine et les principes de l'administration bureaucratique. L'empereur Shizhong, qui régna à la fin du 12e siècle, a mis en œuvre une campagne de valorisation des mœurs et des traditions jurchennes afin de tenter de limiter les effets de l'acculturation au contact des habitudes chinoises. Ainsi, parce qu'on s'inquiétait de la perte des traditions jurchennes, on voulait limiter, par exemple, le port des vêtements chinois et l'utilisation des noms chinois. Cependant, même s'ils cherchaient à se distinguer culturellement des Chinois, les Qin se sont tout de même présentés comme étant les héritiers légitimes de la dynastie Song du Nord, qu'ils ont vaincu en prenant la ville de Kaifeng, donc devenant les héritiers d'un mandat céleste. Si on veut comprendre ce qui contribue à expliquer la faiblesse des Song en face des menaces et de l'invasion jurchennes, on souligne régulièrement des arguments liés au poids économique de l'appareil bureaucratique, alors que la monarchie Song devenait de plus en plus parasitaire. Mais n'oublions pas qu'il y avait aussi un dédain confucéen pour les affaires militaires. Rappelons que, parmi les quatre catégories sociales idéal-types de la société néo-confucéenne, on retrouve, en ordre d'importance, le lettré, shi, le paysan, nong, l'artisan, gong, et le marchand, shang. Certes, il ne s'agit que d'une hiérarchie sommaire qui n'explique pas tout dans la société, mais celle-ci n'accorde aucune place aux hommes de guerre. Les lettrés sont d'excellents bureaucrates, des administrateurs et des gestionnaires très efficaces. Et puisque la conscience ethnique n'est pas encore développée, la recherche de l'efficacité bureaucratique contribue à faire en sorte de développer une forme d'indifférence à savoir qui mène la barque. À l'époque de la dynastie Song, la signification de « chinois » (中国人) est davantage liée à une culture politique commune et à la pratique de certaines mœurs, et n'a à peu près rien à voir avec les notions d'ethnicité que nous connaissons au sens moderne du terme. Les forces qui permettent aux dynasties Liao et Qin de s'établir et d'établir un pouvoir durable en Chine sont liés au fait que ce sont des dynasties fondées par des ethnies semi-nomades, se trouvant à la jonction de différentes cultures et tirant profit d'une profonde hybridité culturelle qui les définit. Ils vivent de l'agriculture du millet, mais aussi de la chasse, la pêche et l'élevage, et surtout, ils ont une grande force militaire, très mobile qui s'appuyait sur la cavalerie. Cependant, ces dynasties semi-nomades sont vulnérables en face des contradictions qui existent entre la ferveur clanique et les besoins de l'objectivité bureaucratique. Et cette vulnérabilité, elle devient évidente en face de la conquête orchestrée par Genghis Khan. Et c'est ce qui nous plonge dans le troisième point qui porte sur cette conquête et sur la Pax Mongolica qui en résulta. En fait, malgré leur vulnérabilité militaire, les Song n'ont pas été entièrement ni battus ni conquis par les dynasties Liao et Qin. Ils ont seulement été repoussés vers le sud et ils ont coexisté, comme ils le pouvaient, avec ces dynasties étrangères tout au long de leur existence. Mais avec Genghis Khan et la conquête mongole, c'est une dynamique de conquête de l'entièreté du territoire de la Chine qui se prépare. Mais avant d'explorer cet épisode de l'histoire chinoise, retournons en musique avec une chanson qui nous permet de faire un petit clin d'œil, autant à la frontière chinoise de l'Asie intérieure, dont nous avons parlé la semaine dernière, mais aussi à la fête de Noël que nous venons tout juste de célébrer. La deuxième chanson d'aujourd'hui permet d'abord de faire un clin d'œil à l'esprit de Noël dont nous avons parlé la semaine dernière. Je disais notamment qu'en Chine, la manière de célébrer était différente à certains endroits. Or, parmi les coutumes qu'on y retrouve parfois, il y a pour certains l'habitude d'offrir des pommes en cadeau à Noël. D'abord, disons que offrir des fruits en cadeau est en soi une pratique qui est généralisée pratiquement en tout lieu et en toute saison. Mais le lien entre les pommes et la fête de Noël viendrait de l'homophonie entre Pingguo et Pinganye. La nuit de Noël est souvent nommée Pinganye, soit une nuit de paix, et la pomme se dit Pingguo. Donc Pingan, Pingguo, deux mots, deux débuts de mots qui sonnent pareil. En plus de ce petit clin d'œil à Noël, c'est aussi une chanson qui souligne l'importance de la steppe et de la frontière de l'Asie intérieure dans l'histoire de la Chine. C'est une chanson qui a été composée par un musicien kazakh qui s'appelle Lange, de son vrai nom Nurlan Zunun, et qui est originaire de la région d'Ili au Xinjiang. La chanson s'intitule Pingguo Xiang, soit le parfum des pommes. Et c'est une chanson qui relate le bonheur de retrouver les grands airs parfumés de nos mémoires lorsqu'on revient à la maison sur la terre qui nous a vus grandir. Voici donc Pingguo Xiang dans une version interprétée par Hei Ta Shen et nous, on se retrouve après la pause. 行街里还传来八扬七上马，阿里克桑德面包房，猎巴出炉了吗？南苑路像是舌尖上的故事啊，遇到浪迹天涯的孩子啊，梦中回家吧。心中